La Bible David Martin 1744. Josué chapitre 1. Or il arriva après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, que l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, qui avait servi Moïse, en disant, « Moïse mon serviteur est mort, maintenant donc lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Je vous ai donné tout lieu où vous aurez mis la plante de votre pied, selon que je l'ai dit à Moïse. Vos frontières seront depuis ce désert et ce Liban-là, jusqu'à ce grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Éthiens jusqu'à la grande mer, au soleil couchant. Nul ne pourra subsister devant toi tous les jours de ta vie, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et te renforce, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays, dont j'ai juré à leur père que je le leur donnerai. Seulement fortifie-toi et te renforce de plus en plus, afin que tu prennes garde de faire selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a ordonnée, ne t'en détourne point ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-y jour et nuit, afin que tu prennes garde de faire tout ce qui est écrit, car alors tu rendras heureuses tes entreprises, et alors tu prospéreras. Ne t'ai-je pas commandé, et dit, fortifie-toi et te renforce? Ne t'épouvante point, et ne t'effraie de rien, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Après cela Josué commanda aux officiers du peuple, en disant, passez par le camp, et commandez au peuple, et lui dites, apprêtez-vous de la provision, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain, pour aller posséder le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, afin que vous le possédiez. Josué parla aussi aux Rubénites, et aux Gadites, et à la demi-tribu de Manassé, en disant, souvenez-vous de la parole que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a commandée, en disant, l'Éternel votre Dieu vous met en repos, et vous a donné ce pays. Vos femmes donc, vos petits-enfants, et vos bêtes demeureront dans le pays que Moïse, vous a donné au-delà du Jourdain, mais vous passerez en armes devant vos frères, vous tous qui êtes forts et vaillants, et vous leur serez en secours, jusqu'à ce que l'Éternel ait mis vos frères en repos, comme vous, et qu'eux aussi possèdent le pays que l'Éternel votre Dieu leur donne, puis vous retournerez au pays de votre possession. Et vous le posséderez, savoir celui que Moïse serviteur de l'Éternel, vous a donné au-delà du Jourdain, vers le soleil levant. Et ils répondirent à Josué, en disant, nous ferons tout ce que tu nous as commandé, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons comme nous avons obéi à Moïse, seulement que l'Éternel ton Dieu soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton commandement, et qui n'obéira point à tes paroles en tout ce que tu commanderas, sera mis à mort, seulement fortifie-toi, et te renforce.